J'suis tout en haut, je finirai pas en bas. Coûte que coûte, je vais tout prendre, faire une vendetta. J'étais boule masqué comme Oshimène, masqué comme Victor Oshimène. J'me suis perdu sur mon chemin réel, car la vie c'est comme moi, s'il y a série dans la sacoche, faut le papier. Me noter en bas du Jackson, mais les chiens de quoi nier. Viens pas te mouiller dans le secteur, si au fond t'as pas pillé. Dis-moi comment faire confiance, si tu souris le cœur bousillé. Billy crack, ma cité crack, ma cité crack, sa mère la pute. J'en veux le placard, mais t'inquiète pas, j'suis à la hauteur de ma répute. Il est là. Tu tacles sur le tête, j'ai la tactique, toc toc, ou la kétale. J'pars en vite vite, beb beb, ça m'a haïen, j'la fais hennen. Mentalité d'ami, alors que j'suis dans la vingtaine. On le fait, hasta la vista. J'finis au bled, l'aime c'est noir, n'aime pas. Viser, tamponner le visa. Viser, tamponner le visa. C'était animal débloqué. Ils ont ricané sur mon compte du temps. J'crois que mon compte bancaire a doublé. J'crois bien ce qui est dit et dit. Trop tard ce qui est fait est fait. Tu pensais être dans la partie quand même si la manette est connectée. Barodé en bas dans les bâtiments. Claquette d'épée sauvée de caïman. Toujours solitaire, les pieds dans la merde. Mentalité ferme comme un taliban. J't'avais pourtant dit d'arrêter tout ça. Sois pas prêt à tout pour les mapper ça. Ta vie t'en a qu'une, joue pas avec ça. Tu la regagnes pas comme dans GTA. Sur ma vie j'ai mal. Pense à la maman, à la matelée. Sur ma vie j'ai mal. J'veux pas te voir finir incarcéré. Oh l'OVNI. Ils ont voulu nous donner du poison. Ils ont voulu prendre mon cash sans me donner de bifton. Impossible de braquer les charbons, car les shootas sont bien rodés, ça va aller au charbon. Rien à foutre qu'on dérange, d'abord faut qu'on mange. Rien à foutre qu'on dérange, d'abord faut qu'on mange. Souhaite à tous, dis comme les grands, entrepreneurs comme les brigands. Le truc c'est se faire payer dans les temps, le truc c'est se faire payer en cash. J'ai trop d'amour pour la mama, trop de douleur qu'elle a supporté. Des fois je me dis que je déconne, souci que je traîne, y'en a des tonnes. Donne-lui mon numéro, j'ai découpé les phases et les mélos. Prends tes clics et tes claques, tes pieds dans l'habitacle pour éviter la braque et les métaux. Faut se lever tôt, petit chicha dès le matin. Tu vis, y'en a tarpin. Petit sourire en coin comme Franklin. C'est le destin. J'étais boule masqué comme Oshimène, masqué comme Victor Oshimène. J'me suis perdu sur mon chemin réel, car la vie c'est comme moi, s'il y a série dans la sacoche, faut le papier. Me noter en bas du Jackson, mais les chiens de quoi nier. Viens pas te mouiller dans le secteur, si au fond t'as pas pillé. Dis-moi comment faire confiance, si tu souris le cœur bousillé. Oui, Piper. Billy crack, ma cité crack, ma cité crack, sa mère la pute. J'en veux le placard, mais t'inquiète pas, j'suis à la hauteur de ma répute. Il est le Paris, j'fais de la trappe. J'suis dans la cabine, j'fais que du rap. J'suis dans le CV, j'me balade. Y'a que le passé qui me rattrape. J'connais le guetteur et le vendeur. J'connais le papa à ton papa. J'ai des grosses couilles et un barbal. C'est très bien qu'on parle pas. 9 mm et ça tabac. L'instru ça la tabasse. Même les non-fumeurs on les passe à tabac. Tout le monde paye ici pas. Les doigts sur la tête dans les types en étant. Je les ai entendus, je les ai entendus. On n'aime pas la police, le manque de respect, les sous-entendus. Je vais plus connaître les mains. Ouais on a trop souffert. On se donnait la main, là on passe à se faire. Et maintenant que tu papa, je me mets à la place du daron. Tous les jours je me dis que demain j'arrête. Mais si demain j'arrête c'est moi qui a pas un rang. J'ai tellement de frères allumés au pomme. Crois-moi qui rêvent tous de plus tourner en rond. Dis-moi y'a combien de gens qui sont prêts pour leur putain de clan. Fais un tour dans le 13, les gaz ils sont corsés. Au Pinel 2 c'était un peu trop costaud. Deux ans que j'ai rien fait, je me suis réamorcé. Pour l'espi un flash et un bon gros morceau. Tu veux me voir au clair, je te zone en Corsa. En bolide à torsi ou en scooter comme ça. Je récupère, je dingue, c'est moi le MDC. T'es avec tout le monde, toi je te sens indécis. Ok, mon vieil jaloux, choqué. Merci l'OVNI pour la force. Fils de bloqué, tu dois plier devant ta folle. Tu bombes le torse. Il faut que j'encule la prod comme le rideau spèce. C'est trois plaques et c'est mort pour le bif, grosse pièce. Si demain je pète comme le J, grosse tête. Je vais les choquer comme mes profs de gym au steak. States. Je commence sur le banc, mais je la rentre à la fin. Je les frappe tellement fort, j'ai la crampe à la main. Boycotté toute ma vie sur le côté. Maintenant, veulent tous me frotter comme si j'étais la lame d'Aladin. Et tu l'appelais mon frère, mais t'as mangé sa part. Il me reste plus que point, je prenne avant les radars. J'ai pas changé, bâtard. La vie m'a taclé par derrière, fils de pute, j'ai pas demandé la barre. Faut ma mère et le platine sur le fond d'écran. Parce qu'on veut tout niquer, c'est net et précis. Et je regarde ces bâtards comme ils me font les grands. Je pose un couplet lambda, je les fais rétrécir. J'ai la tête cassée, 5h du matin. Mon cœur est cassé, plus rien qui m'atteint. Dire qu'il y en a qui se réveillent avec les matons. Dire qu'il y en a qui font les bons et c'est des catins. Dire qu'il y aura peut-être des fils devant ma tombe. Dire qu'il reste personne, au début on était à plein. Et là ils font les buts, ils méritent les tapas. C'est le travail de disquette pour te mettre en point. Je fais plein d'erreurs mais au final moi j'apprends. Rien que ça fait les bons, moi au final c'est pas bon. Au final c'est pas bon. Je n'irai pas en bas. Coûte que coûte, je vais tout prendre, faire une vendetta. J'étais boule masqué comme Oshimène, masqué comme Victor Oshimène. J'me suis perdu sur mon chemin réel, car la vie c'est comme moi, c'est la série dans la sacoche, faut le papier. Me noter en bas du Jackson, mais les chiens de poignet. Viens pas te mouiller dans le secteur si au fond t'as pas pillé. Tu vois comment faire confiance si tu souris le garbousillé. Oui, Piper, oui, Piper. Billy crack, ma cité crack, ma cité crack, sa mère est pire. Genre de placard, ne t'inquiète pas, je suis à la hauteur de ma répute. Il est l'heure. Ace, kill, vol, raquette, braque aux yeux, bloc, prison, juge, flic, proc, y'a pas ma vie sur TikTok.